بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في ضرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة بشرح فضيلة الشيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى المسمى بفضل رب البرية فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Nous continuons dans la lecture du livre Ad-Duraru Al-Bahiyya, les belles perles de l'imam Shawkani, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Et nous lisons avec l'explication du Cheikh Ali ibn Mukhtar Ramli, qu'Allah le préserve. Donc nous sommes toujours dans le grand chapitre de la purification. Dans le sous-chapitre, nous sommes dans le sous-chapitre des ablutions et nous avons vu que fiat el wudu, comment prendre les ablutions, et nous sommes rentrés dans le coup passé dans nawaqid el wudu, donc les annulatifs de l'ablution. Alors nous avons parlé de ce qui sort des deux orifices, c'est-à-dire al-farjan, des deux sexes. Donc nous avons parlé de cela et avec les preuves, nous avons restreint à ce qui est al-ghaït, la selle, l'urine, le vent. Quant à toute autre chose qui sort de ces deux orifices, qui est le sang, les vers et autres, si cela sort avec l'urine et puis la selle, alors ça annule les ablutions. Mais si cela ne sort pas avec l'urine et la selle, il n'y a pas de preuve qui montre que ça annule les ablutions. Donc, al-amru yabqa ala asl, ça reste sur la base qui est al-aslu fil ashiya at-tahara. La base au sujet des choses, c'est la purification. Tout est pur, tout est propre, sauf ce que la preuve du Coran et de la Sunna vient montrer que c'est impur. وَالْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْحِلْمِ. Aussi la base en ce qui concerne les choses, مَعَدَ الْعِبَادَ, on ne parle pas de l'adoration, des choses, c'est-à-dire la nourriture, les vêtements. La base, c'est l'autorisation. Il, sauf une preuve, un dalil, vient montrer que c'est interdit. Voici un aslu que les étudiants anciens doivent mémoriser. Al-aslu fil ashiya al-hil wal-aslu fil ashiya al-tahara. Mafoum. Donc ici, on a vu aussi ce qui rend obligatoire le grand lavage annule aussi l'ablution. N'est-ce pas? On a vu cela. Ensuite, on a vu aussi le sommeil étendu. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un s'étend et puis dort, le cheikh qui, Mohammed ibn Ali al-Shawkani, il dit que cela annule l'ablution. Mais chez lui, quand la personne est assise, s'il dort, son ablution n'est pas nulle. Et nous avons donné les détails avec la parole du Cheikh Ali ramené ici, qui montre que la personne soit assise ou qu'il soit couché, tant que le sommeil est profond et il ne sait pas où il est pendant qu'il dort, alors son ablution est nulle. Il doit reprendre les ablutions. Donc aujourd'hui nous allons voir wa aklu lahmil ibil. Aklu lahmil ibil. C'est là-bas? Hein? Non. Et manger la viande du chameau. Manger la viande du chameau annule l'ablution. Annule l'ablution. Wa aklu lahmil ibil yanqudu al-wudu. Manger la chair du chameau annule l'ablution. À cause de quel hadith? Le hadith de Jabir ibn Samura. Qui dit, Anna rajulan sa'ala Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Un homme a posé la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Atatawadda min luhum il ghanam. Est-ce que tu prends l'ablution lorsque tu manges la chair des bovins? C'est-à-dire le bœuf, le mouton, le cabri et tout ça. Toyib. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Inshita, si tu veux, tatawadda, tu prends l'ablution. Toyib. Wa inshita, fala tatawadda. Si tu veux, ne prends pas aussi l'ablution. Donc cela montre que ce n'est pas obligatoire de prendre l'ablution et manger la chair du mouton, du bœuf. Alors on n'annule pas l'ablution. Mais regardez ici, il a posé maintenant la question. Atawadda min luhum al-ibil. Est-ce que tu prends l'ablution lorsque tu manges la chair du chameau? Il dit non. Il dit oui. Fatawadda min luhum al-ibil. Prends l'ablution lorsque tu manges la chair du chameau. Voyez. Il pose encore la question. Usalli fi marabid al-ghanam. Est-ce que je prie dans la bergerie, c'est-à-dire l'endroit où les bœufs, les moutons, ils dorment? Ça va? Qu'on appelle wéré, c'est-à-dire l'enclos où on les met dedans. Est-ce qu'on prie dedans? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit naam. On prie là-bas. Donc les savants se basent pour dire sur ce hadith avec d'autres hadiths que celui, yani, les croûtes de ces animaux-là, c'est-à-dire leur déchet n'est pas impur. Il n'est pas impur. Et pur, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'on peut prier là-bas. Alors qu'ils font les déchets là-bas. Mais il pose la question, il dit, « Usalli fi marabik al-ibil. » Marabik, yani al-makan alladhi yabruk fi al-ibil. Les chameaux se couchent, c'est-à-dire dans leur enclos, l'endroit où ils sont. Est-ce qu'on prie là-bas? Qala la. Il dit, on ne prie pas là-bas. Wala yadullu ala anahu najis. Tayyib. Donc, farraqa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis la différence fi hadha al-hadith, dans ce hadith, bayna akli lahm al-ghanam, entre le fait de manger la chair du ghanam ou bien la chair du chameau. Mimma yadullu, et c'est ce qui montre anna hadha al-hadith, ce hadith est venu après le fait que Allah a abrogé l'ablution de ce que le feu a touché. Parce que il y a un hadith qui dit ala man akala ma massathu an-nar al-wudu. C'est-à-dire celui qui mange ce que le feu a touché, c'est-à-dire qui a été brisé par le feu, il doit prendre l'ablution. Ce hadith existe. Voilà que les savants se sont divergés. Wabalu alim yakul, ils disent, le fait de prendre l'ablution, mimma massatuhu an-nar marra bi marhalatayn, ça passait dans deux étapes. C'est-à-dire le fait de prendre les ablutions lorsqu'on mange ce que le feu a touché. A passé deux étapes. Al marhalatul ula, la première étape, كان واجبا عليهم ان يتوضؤوا اذا اكلوا مما مسته النار. C'était obligatoire pour eux lorsqu'ils mangent ce que le feu a touché, yani ce qui a été brisé par le feu, qu'Allah mima salan, comme la viande. Donc c'était obligatoire de prendre les ablutions. Summa ba'da zalik, et après nasakha hadha al-hukm, ce jugement a été abrogé, bimana effacé. Faja'a fil hadith, c'est venu maintenant dans les hadiths, annahu kana akhirul amrayn 'adam al-wudu. Donc la dernière parole maintenant, c'était de ne pas prendre les ablutions, mimma massatuhu an-nar, de ce que le feu a touché, c'est-à-dire quand tu manges ce que le feu a touché. فقال بعض اهل العلم, certains savants disent, هذا الامر بالوضوء من لحم الابل من المنسوخ. Et ils disent que le fait de dire que si on mange la viande du chameau, on doit prendre les ablutions, c'est quelque chose qui est abrogé aussi. Ça va? طيب. فرد عليهم مخالفون. Ceux qui le contredisent ont répliqué sur eux. لقد فرق النبي. Ils disent que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a mis la différence بين أكل لحم الغنم وأكل لحم الإبل. Entre le fait de manger la chair des bovins et le fait de manger la chair du chameau. Il a mis une différence. N'est-ce pas? فلو كان أمر كما قلتم. Si c'était comme vous avez dit, la awjaba an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-wudu'a min al-akl min lahm al-ghanam. Il allait obligé de prendre les ablutions lorsqu'on mange la chair de ghanam, qui sont les bovins. Fa huwa aidan, car cela fait partie mimma massatuhu an-nar, c'est que le feu aussi a brûlé, a touché. Fa qawluhum hadha da'ifun, cette parole est da'if, mukhalifun lil-adilla, contredit la preuve. Et le chef Ali Rami dit, wa as'adu an-nas bi hadha al-hadith, les gens les plus heureux, c'est-à-dire qui ont gagné dans la compréhension du hadith, c'est ahlul hadith, c'est les gens du hadith qui ont rassemblé les deux hadiths. Fa innahum alladhina yuftuna, car c'est eux qui donnent maintenant les avis, bima yaqtadhi, de ce qui implique ce hadith. D'abord regardez, si on dit que tout ce que le feu a touché, on doit prendre les ablutions. Ça, c'est le premier hadith. Et il y a un hadith qui vient dire, pour les autres, on ne prend pas l'ablution. Et pour le ibil, on prend l'ablution. Le hadith est venu mettre la différence ou pas? Hein? L'autre hadith est venu généraliser tout ce que le feu a touché. Et l'autre hadith vient maintenant faire la part des choses. Donc, l'imam Shafi'i, rahimahullah, il dit, « In sahha al-hadith, bizalika kultubi. » Il dit, si le hadith est authentique, c'est ce que je suis dessus aussi. « Wa qad sah. » Alors que le hadith est authentique, « Wa huwa fi sahih muslim. » Le hadith est dans sahih muslim. Tayyib. Dans cette mas'ala, on a la Bouddha min al-faq. Si tu braises un mouton, tu manges la tajiba alayk al-wudu. L'ablution n'est pas obligatoire pour toi. Mais si tu braises la viande du chameau, alors tu dois prendre les ablutions. Sinon ta prière est nulle, est bâte. Comme chez nous ici, là, c'est rare, là, de trouver la viande du chameau. On gagne. Ah, car la facilité. Non. Non, mamma satunna, c'est que le feu a touché. Ça va? Pas ce qui est dans l'Ikhla, ce qui bouillit et tout ça. C'est que le feu a touché. Ma faux? Qawlu, la parole de l'imam Shawkani, il est walqay'u wa nahwihi. Al-qay. Al-qay'u, il parle maintenant, il est quitté dans l'autre mas'ala, qui est quoi? Aklu lahmil ibil. Maintenant, la mas'ala qui suit maintenant, c'est walqay'u, le vomissement. Wa nahwihi, et tout ce qui rentre en compte. Al-qay'u, ma qadafatuhu al-ma'ida. Al-Ma'ida, c'est l'intestin. C'est que l'intestin a éjecté. Ça va, a fait sortir. Wa nahwihi kal-qalas. Al-qalas, souvent quand une personne est rassasiée, ce qui sort souvent, ça va, il est rassasié. Il est là, la chose sort comme ça. Hada yusamma al-qalas. Yusamma al-qalas aidon, ce qui sort min al-jawfi, de l'intérieur du ventre, à min mil il-fam, lorsque la bouche est remplie. Wa laysa biqay, ce n'est pas le vomissement. Wa huwa ma yashur bihi al-insan ahyanan, c'est ce que l'être humain sent souvent, min khuruji asarat al-ma'ida, le liquide qui sort de l'intestin. Ça va? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui sort souvent, ce n'est pas le qay, c'est juste petit. Souvent, quand tu es trop rassasié, tu vois, ça revient sur la bouche. Hada yusamma al-qalas. Wa kar-ri'af, le ri'af, c'est l'hémorragie. Wa huwa dam yakhruj min al-fam. C'est le sang qui sort du nez. Ça va? Donc, le mu'allif, ihtajja al-mu'allif, l'auteur du livre, il a argumenté. Ala anna hadhihi al-ashya, il dit que ces choses-là, naqidun, naqidatun lil-wudu, annule l'ablution. Avec quoi? Le hadith qui a été rapporté par l'imam at-Tirmizi, du hadith de Abi Darda, radiyallahu ta'ala anhu, et autres parmi les compagnons, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, qa'a, il a vomi, fatawadda, et il a pris l'ablution. Wa bi hadith Aisha, et aussi le hadith de Aisha, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, قال, il a dit, man asabahu qay, celui qui est atteint par le vomissement, ou ri'a, ou bien l'hémorragie, ou qalas, ou bien ce qu'on vient de dire, al-qalas, ou le mazi, ou bien le mazi, on a déjà vu cela, fal yatawadda, qui prend les ablutions, akhrajahu ibn majah wa ghayruhu. Non, voici les deux hadiths dont il se base dessus. Donc, eux ils disent que celui qui vomit, fal yatawadda. Celui qui vomit, fal yatawadda. Tayyib. Wa al-hadithan da'ifan. Les deux hadiths sont da'ifs. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? Falyabqa ala al-asl. Al-aslu a qa'im. Le asl est là. Wa sahi, ce qui est correct, annahu la shay, il n'y a rien, mimma dhakara fi qawlihi, qui annule, et ce qu'il a mentionné dans sa parole, yanqudu al-wudu, qui annule l'ablution. Retenez cela. Le Cheikh Ousseymine Rahimahullah, il dit dans Fatwa Nour al-Adam, il dit, وَلَوْ كَانَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا لَا دَلِيلَ عَلِيْ. Il n'y a pas de preuve. Même si la personne a vomi du matin jusqu'au soir, il n'y a pas de preuve qui montre que ça annule son ambition. S'il a vomi aussi un peu, parce que vous verrez dans les paroles des Fouqaha, dans certains livres de fiqh, ils disent, il a qu'un al-qay fahish. C'est-à-dire, si la personne vomit beaucoup, ça annule les ablutions. Il se base sur ces hadiths-là. Alors que ces deux hadiths sont daif. Donc là, Yakoub, ad-dalil ala, ala hada. On ne peut pas dresser des preuves sur cela. Taïb. Ensuite, wa massi zakaru. Une autre masala. Toucher le sexe. Le dernier livre, Imam Shawkani, il a dit ici que toucher le sexe annule l'ablution. Et c'est ce que la majorité d'entre nous connaît. Ça annule l'ablution. Warada fi massi zakari ahadith muta'aridah. A été rapporté au sujet du fait de toucher le sexe, que ça annule les ablutions des ahadiths qui s'opposent entre elles. Les hadiths qui sont muta'aridah. Hein? Toyib. Parmi ces hadiths-là, il y a le hadith de Busr ibn Safwan. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Man massa zakarahu fal yatawadda. Celui qui touche son sexe, qui prennent les ablutions. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah. Il y a aussi le hadith de Talq ibn Ali qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit innama huwa bad'atun mink. C'est un morceau de toi. Donc ça n'annule pas ton ambition. Voilà le hadith de Talq ibn Ali qui montre cela. Bad'a, c'est kita, mink, un morceau, une partie de toi. Le sexe est une partie de toi ou pas? Hein? Bon, si c'est une partie de toi, si tu touches la tête, est-ce que ça annule ton ablution? Si tu touches le pied, est-ce que ça annule ton ablution? Lakin hazan hadithan wa sahi, ce qui est correct, anna hadil ahadith la yathbutu min hashi. Aucun hadith n'est authentique. وَلَا تَثْبُتُ الْأَحْكَامُ الشَّرَعِيَّ بِمِثْلِهَا. Et on ne peut pas affirmer les jugements de la sharia avec les hadiths qui ne sont pas authentiques. فَيَبْقَ الْأَمْرَ عَلَى أَصْلِهِ. La chose reste sur la base. وَهُوَ أَنَّ مَسَّ الزَّكَرِ لَيْسَ نَاقِدًا لِلْوُدُوءِ وَاللَّهُ أَعْلَى. Toucher le sexe n'annule pas l'ablution. Naam. Lakin ishhadun min ba'd al-ulama. Ils disent que si tu touches avec shahawa, hein, ça annule les ablutions. N'est-ce pas? D'autres disent si tu ne touches pas avec shahawa, ça n'annule pas. Ils ont fait al-miqiyas al-shahawa. Lakin la dalil ala hada. Hada ishhadun faqat. Chez nous, quand il n'y a pas de preuve, on n'interdit rien. Ou bien, est-ce que s'il y a une preuve, on interdit? On dit, ça annule les ablutions. وَيُبْنَا عَلَى هَذَا. On construit maintenant sur ce jugement qu'on vient de donner. أَنَّ الْمَرَى. Que la femme. Les femmes posent beaucoup de questions à ce sujet. إِذَا غَيَّرَتْ لِبْنِهَا. Si elle change les vêtements de son fils. Wa massat zakarahu. Elle a touché son sexe. Aw massat duburahu. Elle a touché son derrière. La yutabaru hada naqidan li wudu'iha. On ne considère pas cela comme ce qui annule son ablution. Wa yajuzu laha an tusalliya. Il est permis qu'elle prie. Bada an taghsila yadayha min an-najasat. Après avoir lavé ses deux mains de l'impureté qui a touché. C'est-à-dire, si l'enfant est allé à la selle, qu'elle veut nettoyer son derrière, ou bien elle veut toucher son sexe pour laver son sexe, est-ce que cela annule les ablutions? On vient de voir que ces dalils-là ne sont pas sahih. Quand il y a un amr, à la mada, à l'asl, sur la base. Tayyib. Fa inna Allah ta'ala. Moi ici, wa kadalika massul mar'ah. C'est de même le fait de toucher la femme. Laysa naqidan lil wudu. Ça n'annule pas l'ablution. Parce que d'autres, ils se basent sur le verset qui vient dans le Coran, awla mastumun nisa. Pour dire, le simple fait de toucher la femme annule l'ablution. Parce que Allah dit, awla mastumun nisa al-mas. Vous avez touché les femmes. Lakin yuradu bihi al-jima'. On veut parler du coït. N'est-ce pas? Ala sahih, c'est ce que Allah veut parler du coït ici. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yukni. Allah souvent surnomme an al-jima', c'est-à-dire le coït bimasha, de ce qu'il veut. Hein? Wa qad kanna an al-jima' bil mas. Et il a surnommé le jima', c'est-à-dire par le mas ici. C'est-à-dire toucher. Comme par exemple, nous on dit, tu as touché ta mar'a. Ah, je l'ai touché. Ici, on comprend. Vrai ou faux? Naam. Donc, Allah, il nomme ici, al-jima bil-mas, dans beaucoup d'endroits. N'est-ce pas? C'est comme le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Il nomme aussi Al-Jima par Nikah. Nikah. N'est-ce pas? Non. Lorsque quelqu'un lui a posé la question au sujet de toucher une femme en état de menstruer, qu'est-ce qu'il a dit? Ifal, fais ce que tu veux d'elle, illa an-nikah. Il dit sauf le nikah. Est-ce qu'on va dire sauf le mariage? Ou bien sauf le jima? Kanna bin nikah? Al-jima. N'est-ce pas? Donc il faut comprendre souvent les istilahat, les ibarat qui viennent dans les ahadiths. Est-ce que vous comprenez? Fanakulu, le cheikh, il dit, nous disons comme a qalahu Ibn Abbas, comme Ibn Abbas a dit au sujet de ce verset. Annal mulamasa, ici le toucher, wuna manajima, c'est le sens du koïd. Wabina ala hada fa masul mar ala yakunu naqidan al wudu. Donc si on se base sur la toucher, la femme n'annule pas l'ablution. Nam. Payib. Donc nous avons fini avec Nawaqid al-Wudu, les annulatifs de l'ablution. Ensuite, on rentre dans Babul Ghusl, le chapitre du lavage, du grand lavage. Al-Ghuslu avec Fathul Ghayn en disant Al-Ghuslu Jarayanul Ma al-A'da. C'est l'écoulement de l'eau sur les membres. Ça va, c'est ce qu'on a dit, al-ghuslu. Ça va? Wal-ghuslu, avec domma, sur le ghayn, c'est ismun l'istightisal. C'est le nom même du lavage. Ça va? Dans le istilah, dans le jargon des gens du fiqh, c'est ifadatul ma. Verser de l'eau à la jami'il badal sur tout le corps ma'aniyya avec l'intention. Ça va? Qawluhu, la parole de l'imam Shawkani. Il dit quoi? Yajibu, le lavage est obligatoire bi khurujil mani, lorsque le superbe sort bi shahwatin, avec shahwa walaw bi tafakkur. Même si la personne, il n'a pas touché une femme, c'est-à-dire il a réfléchi à des événements, et c'est sorti. Toyib. Il a dit, walaw, pitafakur. Al-mani, ici, le mani, c'est quoi? Ma'un, c'est un liquide, ghalidun, qui est épais, c'est-à-dire lourd. Dafikun, qui jaillit. Yakhruju, il sort. Inda iltidadi shahwa wa tamamiha, lorsque la shahwa devient intense chez l'homme. Wa yakunu minhu alwalad, et c'est de ce mani que vient l'enfant. Wal maniyul mar'a, mais mani de la femme, raqiq, est fin, asfar, et jaune. Wa khurujul mani ad-dafiq bishahwa, la sortie du mani, c'est-à-dire du sperme qui jaillit avec shahwa, désir, yujibul ghusl min ar-rajul wal mar'a, rend obligatoire le lavage de l'homme et de la femme. Fi yaqazatin aw nam, que la personne soit éveillée ou bien il dort. Ça va? Tayyib. L'imam Tirmidhi, il dit, wa huwa qawlu 'ammatu ahli al-'ilm, c'est la parole de la majorité des savants, min ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam wa tabi'in, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des tabi'in, wa bihi yaqul, et c'est ce qu'il dit aussi Sufyan al-Thawri wa al-Shafi'i et l'imam Ahmad et l'imam Ishaq ibn Rahouya. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit al-ma'u min al-ma'. Hada hadith أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري. الماء من الماء. C'est-à-dire l'eau de l'eau. Bimana, lorsque tu sors le liquide, tu prends l'eau pour te purifier. Wa an Umm Salama, d'après Umm Salama radiallahu anha, qui dit que Umm Sulaym a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, elle dit au messager d'Allah, Inna Allah la yastahi min al-haq. Allah n'a pas honte de dire la vérité. Donc, elle veut dire quelque chose, elle a honte. Mais elle ne sait pas comment le dire. Donc d'abord, elle va faire la muqaddima. Et la muqaddima, c'est Inna Allah la yastahi min al-haq. Ensuite, maintenant, elle dit Fahal ala al-mar'ati ghuslun. Est-ce que c'est une obligation pour la femme de faire le grand lavage lorsqu'elle fait un rêve, comme on appelle, érotique? C'est ça? Elle rêve d'un événement et elle éjacule. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Naam, oui, iza ra'at al-ma. Si elle voit de l'eau. C'est-à-dire, si elle voit le balal, l'humidité dans son vêtement, est-ce que c'est pas pipi? Mais est-ce que c'est quelque chose quand même? Izara atilma, elle fait le grand lavage. Ce hadith est muttafaqun alayh, unanimement reconnu, authentique. Tayyib. Ensuite, ce qui rend le lavage obligatoire, wa bil tiqa'il khitanayn, lorsque les deux endroits. Parce qu'en français, on dit circoncision, excision. Excision, c'est pour les femmes, c'est ça? Et puis, circoncision, c'est quoi? Pour les garçons. C'est un absouché. Donc, on peut dire la même chose, non? Ici, lorsque les deux endroits qu'on coupe se rencontrent, c'est-à-dire celui de la femme et de l'homme. Mais est-ce que c'est ce qu'il veut dire exactement? Ou bien c'est al-muhazat, le fait que les deux soient ensemble? C'est-à-dire les deux sexes. Ici, on explique. C'est-à-dire ici, yajibul ghusl bi tiqa'il khitanayn. Il est obligatoire de faire le lavage lorsque les deux khitan, les deux endroits qu'on coupe, se rencontrent. Ok. On a dit se rencontrent. Wal khitan, mawdi al-qat, c'est l'endroit où on coupe min fadji zakari ou l'unsa, le sexe de l'homme et de la femme. Wal muradu bihi bi tiqa'il khitanayn. Ce qui est voulu par Tikhal Khitanayn, c'est Tariburra si Zakar fi Farji al-Mar'a. C'est le fait que disparaît le sexe de l'homme dans le sexe de la femme. C'est-à-dire la tête du sexe. Tayyib. Donc ici, Wazalika yujibul ghusl. C'est ce qui rend le lavage obligatoire. Le Kaulihi Ta'ala, à cause de la parole d'Allah, Wa in kuntum dunuban, wa taharu. Si vous êtes en état d'impureté majeure, donner la ablution. Ici, la janaba veut dire al-jima, le coït dans la langue des Arabes. Par exemple, si vous touchez les femmes et vous êtes en janaba, alors purifiez-vous. Et aussi, à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, Iza jalasa rajulu bayna shabi al-arba, si l'homme s'assoit entre les quatre membres de la femme, wa massal khitanu al-khitana, et l'endroit de l'excision touche l'autre endroit, faqad wajaba al-ghusl. Le lavage devient obligatoire. Dans les deux sahihayn, il y a aussi nafsu shay, qui est iza jalasa bayna shabira arba summa jahadaha faqad wajaba al-ghusl. C'est nafsu shay, c'est-à-dire elle a touché. Mais ici, wa laysa al-murad min al-massi haqiqa. Ce qui est voulu ici du toucher n'est pas hakika. Demain, l'endroit de l'excision touche l'endroit de l'excision. C'est pas hakika. Bal, c'est tarib ou zakari fil farj. C'est-à-dire la disparition du zakar de l'homme, le bout du zakar de l'homme, là où on coupe dans le farj de la nisa. Lian al khitan mara fi al farj. Car le khitan de la femme est au-dessus du farj de la femme. Est-ce que vous comprenez? Voilà, yamassu zakar fil jima. Et aussi le sexe, c'est-à-dire celui de l'homme ne touche pas dans le jima. Donc ici, l'imam Nawawi, rahimahullah, وقد كان عذب لكن أجاب على هذا. إذ وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها لم يولج، c'est-à-dire s'il a déposé son zakar sur le khitan de la femme et qu'il n'a pas eu de pénétration, le lavage n'est pas obligatoire, la alayhi wa la alayha, ni sur lui ni sur la femme. Non. Vous comprenez? Wal murad min mumasat al muhazat, c'est-à-dire al muhazat ici, c'est la proximité. Est-ce que vous comprenez? La proximité, c'est ce qui est al mumasa. Qala Ibn Qudama il dit fil mughni, wa law massa al khitan al khitana min ghayri ilaj, même si les deux khitans se sont rencontrés sans pénétration, fala ghusla bil ittifaq, il n'y a pas de lavage avec le consensus des savants. Il n'y a pas de lavage. Yani al ilaj, on veut dire ilaj al idkhal, l'entrée. Ça va? Donc, on a fini la mas'ala. Toyib. Ensuite, le lavage devient obligatoire bi inqita'il haydi wa nifas. L'interruption de quoi? Du mensri et du logis. Le mensri, c'est quoi? D'abord, on va dire yajibul ghusl bi intihal haydi. L'ablution et le grand lavage devient obligatoire lorsque les menstrues s'arrêtent. Min al-mar'a, venant de la femme, al-ha'idon, en état de menstrues. Wa nifas, et le nifas, min al-mar'ati nufasa, de la femme qui est en état de nifas. Al-hay, dans la langue arabe, quand on y a de shay, sayalan, l'écoulement d'une chose. Ça va? Hadalma, l'eau coule. Ça va? Donc, al-hayd vient de ce verbe, hada, c'est-à-dire l'écoulement. Wa shar'an, dans la législation, c'est quoi? Quand on dit hayd, qu'est-ce que c'est? C'est damoun, c'est un sang jibili, comme on peut le dire, naturel. Ça va? Yakhruju, qui sort, min aqsa, à l'intérieur, rahim al-marha, de l'utérus de la femme. Ba'da bulughiha, après qu'elle ait atteint l'âge de la puberté. Ala sabil siha, et cela sort lorsqu'elle est en bonne santé. Ce n'est pas une maladie. Min ghayri sabab, sans cause. Fi awqatin ma'louma, dans les moments bien connus. Quand il dit sans cause, c'est-à-dire elle n'a pas eu de choc afin que cela sorte. Mais ça vient comme ça dans les temps bien connus. On va rentrer bismillah dans ce chapitre là pour que on puisse mieux comprendre. Ça va? Et ceux aussi qui ne sont pas mariés, qui les copient, inshallah, ils pourront aussi enseigner leurs femmes sur ces règles là, car c'est très important. Souvent, tu attends souvent des femmes qui t'appellent et disent oustaz, j'ai eu mon menstrué un jour, deux jours, ça s'est interrompu. Après, encore 4 jours après, c'est venu. Kayfa afar. Elle pose ces questions. Parce qu'elles n'ont pas le fiqh de haïd ou de nifas. Est-ce que vous comprenez? Donc, bismillah, on va arriver sur cela. Et on va donner les détails. Et je vais tirer, bismillah, si on a l'occasion, les détails du livre de la Risala de Cheikh Ousseymine qui est Damu At-Tobi'i. Il a une Risala qu'il a nommée le sang naturel. Donc dans cette risala, on va tirer les ahkam que le Cheikh Ousseymine il a donné là-bas. Comment t'arrives-tu? Le Cheikh Ousseymine, vous le connaissez, quand il rentre dans une masala, souvent on est rassasié à la facilité. Donc ici, voici la définition de haït. Wan nifas, le nifas, sa définition c'est quoi? Damoun, c'est le sang. Yakhruju min al-mar'a, qui sort de la femme inda al-wilada, lorsqu'elle accouche. Il y a les sœurs qui demandent, et si on voit le sang avant l'accouchement, la yadurru shay'an. On dit après l'accouchement. C'est ce qui est un néfaste. Mais avant, si tu vois le sang, ne considère pas, تغسل وتتوضأ وتصلي hein? حتى جزب الله كيسو اسم بيل زو اسكم بيل إن كنت قادرة فصلي هذا لا يدرك شيئا سالي n'annule pas la blessure, le fait de perdre les os. Ça va? Tu prends les années, c'est-à-dire, ce n'est pas comme le haïd. Tu prends les ablutions, tu pries. Khalas. M'en Toyib. Wa dalil wujub al-ghusl bi inqita'ihima. Le dalil qui montre qu'il est obligatoire de se laver lorsque ces deux-là arrêtent de couler. Qawluhu ta'ala. C'est la parole d'Allah le Très-Haut. ولا تقربوهن حتى يطهرن ne vous approchez pas d'elles jusqu'à ce qu'elles soient purifiées فإذا تطهرن si elles se purifient فاتوهن من حيث أمركم الله venez à elles de là où Allah vous a autorisé ولقوله et à cause de la parole du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم à Fatima بنت أبي حبيش وهي مستحاضة اللي تاني تاني مستري إلا دي قوة دا الصلاة لس لا بريا قدر الأيام سلون الجور التي كنت تحيضين فيها الجور كنتي مستري نالكال تي مستري ثم اغتسلي وصلي ensuite si ça s'interrompt lave toi et prie n'est-ce pas donc ce hadith est متفق عليه والنفاس كالحيض بإجماع الصحابة. Le nifas qui est le sang d'Amul Milada, le sang qui vient après l'accouchement, est comme le haïd avec le consensus des savants et il y en a des صحابة رضي الله تعالى. L'imam Ibn Munzir dit وأجماع ils sont unanimes على أن على النفاساء الاغتسال إذا طهرت que c'est une obligation pour les femmes nufasa de se laver lorsque elles sont pures. Naam. Ensuite, wa qawluhu et sa parole wa bil ihtilami ma wujud balal. C'est notre masala. C'est-à-dire lorsque la personne fait un rêve érotique avec la présence de l'humidité. C'est-à-dire qu'un se lève, qu'il y a humidité, alors en ce moment, le lavage devient obligatoire. Mais ma'an il-ihtilam fil-lugha, parmi les langues, les sens de ihtilam, c'est ru'yatul mubashara fil-naw. C'est de rêver que tu es en train de toucher quelqu'un dans le sommeil. Wa yutlaqu aydan ala al-idraq wal-bulugh. Et on dit aussi, ihtilam, idraq wal bulugh. Quand une personne atteint la puberté, on dit ihtalama. Ihtalama, il atteint la puberté. Ça va? On dit aussi ihtilam, le rêve érotique. Ces deux se disent dans la langue arabe. Wa fil istilam, mais dans le jargon des gens du fiqh, ismun, c'est un nom, lima yara ou na'im, de ce que voit celui qui dort min al mubashara, du fait de toucher une femme. Aïe, al-jima wa muqaddimatiha. Le jima et ses préliminaires. C'est-à-dire, le coït et ses préliminaires. Fayahdusu ma'ahu inzalul mani ghaliban. Et lorsque cela arrive, le mani commence à sortir. Ça, cela arrive surtout pour les enfants qui viennent d'atteindre la puberté. Cela arrive souvent. Ça va? Et ce qui montre qu'ils ont atteint la puberté. Hein? Wa al-ihtilal يوجب الغسل. Alors, le ihtilam rend le ghusl obligatoire. إذا حصل إنزال. Lorsque il y a éjaculation, وراء الماء. Et qu'il a vu de l'eau. وما غير إنزال. بغير إنزال. Sans éjaculation, فلا يوجب الغسل. Le lavage n'est pas obligatoire. ودليل. Le dalil, c'est quoi? C'est le hadith de qui? On vient de voir le hadith tout à l'heure. Le hadith de qui? Umm Salama, ça va? Qui, Umm Sulaym, a posé la question au professeur, il a dit, Naam, Iza Ra'at, Al-Ma, n'est-ce pas? Donc c'est le hadith de Umm Salama. Wa qawluhu, est la parole de l'auteur. Parmi les choses qui rendent le lavage obligatoire, il y a al-maut, la mort. La mort rend le lavage obligatoire. Yajibu taghsilu al-mayyit al-muslim ijma'an. C'est une obligation de laver le mort musulman. Et c'est un consensus. Voyati tafsir fi hadhihi al-mas'ala fi mawdu'i inshallah. Et le cheikh dit, on va détailler ce sujet dans son endroit. Parce qu'on va parler de comment laver le corps, comment. C'est très important. Ça va? Tayyib. قوله بالإسلام إي الإسلام طيب ici avant de rentrer dans l'islam une fois j'avais essayé de quand même montrer la simplicité de laver un corps ici à la mosquée ici mais je répète souvent les gens ils ont peur de toucher le corps est-ce que vous comprenez? Sinon, on n'a pas besoin de trouver un spécialiste pour ça. Si tu sais faire la djanaba, tu sais laver le corps. À seulement quelques détails. Ça va? Quelques détails seulement. Le fait de le prendre pour qu'il fasse sortir les déchets, le fait, et de mettre du cidre, du cafran, tout ça. Et puis le nombre de laver, comment verser de l'eau sur lui, c'est quelques détails. Mais Cheikh Ousseymine dit, Rahimahullah, lorsque quelqu'un lui a posé une question pareille, il dit, nous sommes allés quelque part. Et quelqu'un est décédé parmi nous. On ne savait pas comment laver le corps. Comme Yurwa dan Jamaat al-Tabligh. On rapporte cela aussi d'eux. Qui sont allés quelque part, arrivés là-bas, quelqu'un est décédé. Ils ne savaient pas comment laver. Ils se sont regardés, ils ont regardé le Amir. Le Amir dit, retournons-nous à Markaz. Pour aller gérer le problème. Donc, c'est comme ça. Donc, quand ils sont arrivés, la personne est décédée, ils ont posé la question à Cheikh Ousseymine, comment on fait? Cheikh Ousseymine dit, subhanallah, il était étonné. Et il dit, al-ghuslu al-wajib. Al-ghuslu al-wajib. Anta hissil ma'ah ala jami' al-badat. Tu verses l'eau sur tout le corps. Si tu as versé l'eau sur tout le corps, tu as lavé le mort. Avec l'intention. Ça va? Maintenant, les autres, sunna, comme on doit le faire, tout ça. Mais c'est qui est obligatoire? C'est comme le grand lavage aussi qu'on fait. Ça va? Le grand lavage qu'on fait. On va arriver sur les détails. Est-ce que vous comprenez? C'est facile, c'est pas difficile. Peut-être tu peux dire que j'ai peur de toucher le mort parce que, subhanallah, quelqu'un qui était vivant n'a pas eu peur de lui. C'est pas quand il est mort. Tu auras peur de lui. Ou bien, alors nous facilite la compréhension. Donc ici, qawluhu, l'imam Shawkani dit bil islam. L'islam aussi rend le lavage obligatoire. C'est-à-dire, yajibu al-ghusl bidukhul al-kafir fi l'islam. Le lavage devient obligatoire lorsque le mécréant rentre en islam. Et le dalil de cela, c'est le hadith de Qais ibn Asim. Qais ibn Asim qui dit, ataytu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, uridu l'islam. Je suis venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je voulais rentrer en islam. Fa amarani an aghtasila bima'in wa sidr. Il m'a ordonné de me laver avec de l'eau et du cidre. Ça va? Wa wa sahih. Qu'est-ce que ce hadith est authentique? Le cheikh, il n'est pas rentré dans ces détails ici. Parce qu'ici, il y a un ikhtilaf qawi, illa l'ulama. D'autres disent, fadaka bihadal hadith, ce hadith, sahih. Mais, lamma fataha nabi sallallahu alayhi wa sallam Makkah, lorsqu'il a ouvert Makkah, les gens se sont convertis. Est-ce qu'il les a ordonné de faire le grand lavage? Ils disent non, qui les a pas ordonnés. Donc, mustahabun, que tu fasses le grand lavage. Mais les sabis, wajib. Donc, voici ce que un groupe de savants disent. Est-ce que vous comprenez? Non. Donc, ici, mais le cheikh, lui, s'est limité à l'obligation pour quitter dans le khilaf. C'est-à-dire, on dit c'est obligatoire. Khalas, si quelqu'un, est-ce que c'est difficile? Si quelqu'un se convertit, lave-toi, c'est pas difficile. Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, faslun. On rentre dans un nouveau fasl. Qala al-mu'allif. Wal ghusl al-wajib. On va parler maintenant comment faire le ghusl. Comment faire le grand lavage. Hein? C'est très important. Le grand lavage, c'est très facile. Hein? On explique seulement avec le hadith de Aïcha et puis le hadith de Maïmouna. Hadith de Aïcha et hadith de Maïmouna. Maintenant, le plus facile, c'est de laver tout le corps avec l'intention. C'est le plus facile. C'est-à-dire, même si tu t'en vas te rincer dans la douche, si tu prends l'intention du grand lavage, rince-toi seulement. Tu sors khalas. Ton grand lavage est bon. Mais après ce grand lavage, s'il n'y a pas d'ablution dedans, tu prends les ablutions. Tu comprends? Mais si tu as pris avec le hadith de Aïcha et le hadith de Umm Salama, lorsque tu finis, là où doit aller, tu ne dois plus prendre les ablutions parce que tu as déjà fait les ablutions, fait dîme de l'oudo. C'est-à-dire dans le l'oudo. Est-ce que c'est compréhensible? Donc ici, le cheikh il dit, wal ghusl al wajib huwa, le ghusl qui est obligatoire, écoutez très bien, an yufidh al ma, qu'il verse l'eau à la jami'i badani, sur tout son corps, ou yanghamis fi, ou bien il plonge même dans l'eau. C'est-à-dire, il va dans une piscine par exemple, il rentre complètement, il sort, avec l'intention, alors son lavage est correct. Adin yusr, la religion est facilitée. Hein? Mais souvent, quand quelqu'un rentre dans l'islam, au lieu de lui montrer ces choses faciles-là, on va lui dire que va dans la douche, que t'arrêtes, tu divises ton corps en quatre parties. Hein? La première partie, tu laves sur l'autre touche, l'autre côté, tu reprends à zéro. Ah ouais. Non, lui, il reste là, il revient. Irhamu, ibadallah. Faites miséricorde aux serviteurs d'Allah. Hein? Tu vois souvent ces positions dans la douche là, on dirait un robot. Hein? Ah, ça l'air juste abadan. On montre, surtout celui qui vient de se convertir, celui qui n'a pas encore compris, on lui montre ce qui est facile. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas face à deux choses. L'un est difficile et l'autre est facile, et il a pris ce qui est difficile. Il prenait toujours ce qui est facile. C'est une nourse. Est-ce que vous comprenez? Mais beaucoup de personnes, ça a été difficile pour eux. Hatta al-yawm. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas comment faire le grand lavage. Beaucoup parmi les musulmans, ils ne savent pas. Hein? Ils ne savent pas. Au lieu de venir apprendre cela, hein, c'est difficile pour eux. Ils n'apprennent pas. Comme tu vois, il y a certains, eux, ils sont là seulement en train de chercher la foi. La foi, on cherche. Ils font toute leur vie en train de chercher la foi. Pendant que, ils prennent ambition, ton ambition est nulle. Sa prière est nulle, il est en train de chercher la foi. C'est qui peut te donner la foi même, tu n'as même pas appris ça. Viens prendre les ablutions. Si ta prière est correcte, ça va augmenter ta foi ou pas. Hein? Al-Iman. Qawlun. Yazidu. Oyankus. Est-ce que vous comprenez? Mais, ils amènent les gens. Venez, on va aller chercher la foi. On va aller ici. On va chercher la foi. Après, Radul. La yarifu shayat. Il ne connaît rien. Comme le Cheikh Ali Ramli Hafizahullah. Il racontait une histoire comme ça, de ceux-là, Jamal Tablir, il était à côté du monsieur, et le monsieur, il priait. Un vieux, de plus de 60 ans, il était en train de faire la prière. Mais subhanallah, la ruku wa la sujoud, il ne faisait pas la prière, et il a laissé des pliés dans la prière qui annulent même sa prière. Donc le chef lui a posé la question. Quand la camine, Yani, Mimouda, ça fait combien de temps dans cette jama? Il dit 15 ans. Et puis il sourit, il dit, ça c'est fort. 15 ans. Et le chef dit, 15 ans. Tu es en train d'aller, tu es en train de chercher la foi. Et ta prière est nulle. Tu ne sais même pas prier. Adawa Mouhim, le musulman, il apprend ce qui peut perfectionner son adoration. Comme ce qu'on est en train d'apprendre. Tu sais déjà ce qui peut annuler ton ablution, ce qui peut annuler ton rosu, ce qui peut perfectionner ton adoration, pour que tu puisses prier pour que ton adoration soit acceptée. Mais si tu passes tout ton temps en train de chercher, hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Voilà ce qui est important pour le musulman ici. Ta'allam dit, comme nous avons dit la fois passée ici, prenez votre religion. Et c'est dans ces assises-là que nous apprenons notre religion. Ce n'est pas ailleurs, dans ces assises, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc ici, le cheikh il dit, Bada mantaha al-mu'allif min mujibat al-ghusl, après avoir fini de parler de ce qui rend obligatoire là, le grand lavage, il a commencé à mentionner ce qui est obligatoire dans le grand lavage. Wahua, ifadatul ma, c'est le fait de verser de l'eau à la jami'il badan, sur tout le corps. Aïe, c'est-à-dire, sobbil ma, verser l'eau à la jami'il jism, sur tout le corps, ou bil imrimati fil ma, ou bien tu plonges dans l'eau. Ça va? Tu plonges dans l'eau. Parce que, à la généralité, il dit, wa in kuntum junuban fa, alors, purifiez-vous. Et ce qui est obligatoire ici, c'est le fait de verser de l'eau sur tout le corps. Et on va voir le hadith même qui vient à ce sujet-là, qui est le hadith de Salama, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, innama yakfi ki anta hissi ala rasi salasa hasayat. Tu verses l'eau sur ta tête trois fois, summa tafidhi alma alayk. Et tu verses l'eau sur tout son corps. Parce qu'elle avait une tresse. Je lui ai demandé, lorsque c'est une grosse de janaba, c'est pas obligatoire de défaire. Comme on va voir cela. Donc, tu verses l'eau sur ta tête. Salat sahasaya trois fois pour que l'eau pénètre. Et ensuite, tu verses de l'eau sur tout ton corps. Voilà ce que le professeur Azam a dit. Oum salam. N'est-ce pas? Donc, c'est le fait de verser l'eau sur ton tout son corps. Hadha al-ghusl wajib, c'est le ghusl qui est obligatoire. Maintenant, ce qui vient après, ce sont les sunan. Est-ce que vous comprenez? Ce qui vient après, ce sont les sunan. Donc, nous allons nous arrêter sur ce fasl et d'ici là, la semaine prochaine, nous allons rentrer dans comment kayfiya, comment prendre, comment faire le ghusl. Et nous allons dire aussi qu'est-ce qui est légiféré pour la salat du mois la semaine prochaine. Je crois que il nous reste deux dars bismillah pour pouvoir rentrer dans Babu Salah, dans le chapitre de la prière. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Mon conseil, ayyuhal ikhwa, apprenez votre religion. Non. Ce que Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah il a dit dans la risala que nous avons mémorisée, la première risala, qu'est-ce qu'il a dit? Dans les choses, ce qui est obligatoire vis-à-vis des ordres d'Allah. Hein? On doit connaître. Lorsque l'être humain, il a une obligation devant lui, il doit connaître d'abord. Parce que si tu ne connais pas, comment tu vas adorer Allah? Tu ne connais pas. Hein? Si tu arrêtes un musulman, tu lui dis quels sont les nawak et le wudu. Il te regarde. Qu'est-ce qui a annulé l'ablution? Bon. En tout cas, c'est pour pisser et puis ça tout le monde connaît. Hein? Mais les autres, ils ne connaissent pas. Qu'est-ce qui a annulé le grand lavage? L'imam te dit grand lavage là, c'est quoi? Il ne connaît pas. Hein? C'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Et qui nous facilite la mise en pratique. Apprenons notre dîn, notre religion, afin d'être al-basira, Parce que cette religion est une religion de science, comme on a l'habitude de dire. Ça va? Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Chercher la science est une obligation sur tout musulman. Cela veut dire quoi? Ilmu. Yani la science wajibul aini, qui est l'obligation individuelle. C'est-à-dire le musulman qui veut prier, il apprend comment prier. Mais s'il n'apprend pas qu'il prie, sa prière est nulle. Si il n'apprend pas, je ne dis pas que forcément sa prière, mais s'il détruit une action, c'est-à-dire qu'il fait une action qui annule la prière, sa prière est nulle. On ne dira pas qu'il est excusé parce qu'il est ignorant. Sa prière est nulle parce qu'il n'a pas appris. Il doit apprendre ce qui est face à lui. Mais combien sont les musulmans aujourd'hui qui n'apprennent pas? Ça va? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Il y a des gens aussi, ils mémorisent pour partir. Mais en réalité, la prière, la yadruna minas solat fichée. Comme une fois, j'ai vu un qui a mémorisé tous ces koutoubs-là en Mauritanie. Qur'an, koutoub tisa, Bukhari muslim, il peut te faire sortir tranquille. Mais à Rajoul, lorsqu'il est venu, j'étais assis même dans la mosquée, et lorsqu'il est venu, même takbiratul ihram, il n'a pas fait, il est venu rattraper la prière. C'est-à-dire, la prière était finie, même takbiratul ihram, il n'a pas fait. Il est venu, dès qu'il est arrivé net, il s'est arrêté comme ça pendant un temps, et puis il est allé en ruku. Après le ruku, il s'est relevé, après il est descendu, après il s'est relevé, après il est descendu. Quand il a fini, je lui ai posé la question. Il dit, mais cette manière de prier là. Il dit, non, que ça c'est une question de mazhab. Je dis, non, c'est pas question de mazhab. C'est pas question de mazhab. Tous les mazhabs sont unanimes qu'on fait takbiratul ihram. Ça c'est pas une question de mazhab. Il dit, moi de le laisser. Il est sorti. Wahafizo, kulahada. Hatta même lorsqu'il vient s'arrêter à la mosquée, pendant Ramadan, il peut réciter tout le Coran. Tout le Coran. Mais solatuhu kaifa. Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres c'est la négligence. D'autres ici ne savent pas. Parce que d'autres pensent que le din c'est mémoriser, c'est rester seulement à mémoriser les choses. Mémoriser c'est une bonne chose, comme le dit Cheikh Ousseymine. Lakin, ce que tu mémorises, il faut connaître. Ou bien, il faut appliquer. Même le Coran, innama unzila al-Quran yutadabbaru bih, comme a dit Soufiane Saouri, Hassan al-Basri, afwan. Il dit innama unzila al-Quran yutadabbaru bih. Le Coran est révélé pour qu'on médite. Mais il dit quoi? Fattakhadhu an-nas qira'atahu amala. Les gens ont pris la lecture du Coran comme une action. Tu vois, l'un d'entre eux, il dit, Karatul Quran kulla. J'ai lu tout le Coran, walam oskit harfan wahida. Il dit, je n'ai pas fait tomber un seul harf dans le Coran. Tout le Coran. Est-ce que c'est le maksoud? C'est pas le maksoud. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.